C'est le mec qui chantait. Merde. Tu me fais vivre comme dans un rêve. Tout ce que j'aime, besoin de rien. Merde, j'allais la faire à la Claude François. Même Popek, il avait une chanson. Popek, la danse du smoke. Popek. À quoi ? C'est Popek. Et je me rappelle pas celle-là. Non, mais à l'époque, tout le monde pouvait faire son petit 45 tours. Oui, eux, ils savaient pas comment. Alors lui,